En signe de soutien au message de nouvel an prononcé par le dirigeant suprême Kim Jong-un, le Comité national éthiopien d'études de Kim-Sunis et Kim-Jong-lism et le Forum littéraire népalais d'études de la politique de Sun-gun ont publié respectivement une déclaration. Ils y ont noté que grâce à son excellence Kim Jong-un et aux militaires et civils étroitement unis autour de lui, la Corée triomphera à coup sûr.